Portrait d'assaut sur Fadjet. Le 5 février marquera la 30e journée nationale pour la prévention du suicide, un enjeu majeur de santé publique. Et c'est l'occasion de faire un nouveau coup de projecteur sur une association essentielle, SOS Amitié. Aujourd'hui, nous recevons Geneviève Crison. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable communication pour SOS Amitié à Nancy. Tout à fait. Cette association existe depuis bien longtemps. Vous pouvez nous réexpliquer un peu, en quelques mots, SOS Amitié et puis son rôle aussi bien au niveau national, mais aussi son antenne locale à Nancy. Mais écoutez, SOS Amitié, rappelons-le d'un point de vue historique, c'est une association qui a été créée en France en 1960, parce qu'elle avait débuté quand même en 1953 en Grande-Bretagne. C'était un monsieur qui avait reçu un appel, qui avait été touché par un suicide d'un jeune de 14 ans, et il s'est dit, finalement, j'aimerais écouter les personnes qui veulent passer à l'acte. Il avait donc passé une annonce dans le Times en disant, vous pouvez me contacter à tel numéro. Et c'est comme ça qu'est né au départ SOS Amitié, qui ne s'appelait pas à ce moment-là évidemment comme ça. Et l'association, comme je l'ai dit, s'est implantée en France en 1960. Et puis progressivement, c'est devenu une association de loi 1901. Puis une association reconnue d'utilité publique en France. Donc le 5 février, ce sera la 30e journée nationale pour la prévention du suicide. C'est un rendez-vous important, ça donne à nouveau l'occasion de remettre un coup de projecteur sur le mal-être qui peut exister au quotidien. Oui, tout à fait, parce qu'on sait bien que la santé mentale se dégrade fortement en France, touche toutes les couches de la population, particulièrement les jeunes. C'est la raison pour laquelle c'était une grande cause nationale l'année dernière, en 2025. Et ça a été reconduit, montrant donc l'importance du problème en France. De quelle manière fonctionne SOS Amitié, notamment à Nancy ? Donc c'est avec des bénévoles, des écoutants. Alors en France, il y a 44 associations locales, c'est-à-dire dans différentes villes, mais un petit peu plus de postes, 68 postes, c'est-à-dire que par exemple à Nancy, nous avons 2 postes d'écoute, donc ça augmente un petit peu les possibilités d'écoute. Et nous sommes en tout 2000 bénévoles en France à prendre les appels. Alors il faut savoir que lorsqu'un appelant décroche le téléphone et veut donc téléphoner à SOS Amitié, il atterrit sur une plateforme nationale. Un appel, par exemple, qui émane de Marseille peut très bien aboutir chez un bénévole de Rennes, par exemple. Alors qu'avant, autrefois, c'était local, il y a quelques années encore. Et on est sur une base d'anonymat aussi. Hein. Et tout à fait, c'est un appel qui est anonyme, qui est confidentiel et surtout qui est basé sur une écoute active, c'est-à-dire qu'on ne juge pas la personne, on ne donne absolument aucun conseil, on est là uniquement pour recueillir la parole de la personne, dans une écoute bienveillante également. Et selon la philosophie de Carl Rogers, qui était un psychologue américain, et donc c'est une écoute active. C'est-à-dire qu'on essaye vraiment de rejoindre la personne dans ce qu'elle nous livre comme message, comme parole. En préparant cette émission, vous me disiez que seulement 1 sur 5 était... Tout à fait. Nous recevons à peu près 3,8 millions appels par an. Et nous pouvons décrocher le téléphone seulement sur un appel sur 6, montrant donc que la demande est très forte. Mais par contre, nous ne pouvons pas décrocher tous les appels parce que nous ne sommes pas suffisamment nombreux. Nous sommes seulement, entre guillemets, 2000 écoutants bénévoles en France. Et nous serions plus, ça permettrait de recevoir beaucoup plus d'appels. Alors comment on devient écoutant ? Vous avez dit... Il faut avoir une écoute active, on ne juge pas, tout ça, ça s'apprend. Tout à fait, on ne peut pas prendre une écoute comme ça d'emblée lorsqu'on décide de faire partie de SOS Amitié. Il y a une formation en amont qui dure à peu près 6 mois. Alors au départ, quelqu'un qui veut s'engager va sur le site SOS Amitié, remplit une fiche préalable. Ensuite, elle prend contact avec l'association et cette personne est reçue d'abord par un psychologue. Et ensuite, pour savoir si vraiment elle a le profil d'une personne qui puisse écouter vraiment de façon très, très, très positive. Et ensuite, elle suit un cycle de formation qui dure à peu près 6 mois, qui est fait de journées de formation avec des psychologues, avec des écoutants, les bénévoles également qui sont formés à la formation. Et également, il y a une écoute, les apprentis en quelque sorte, que l'on appelle, sont invités à suivre, à écouter en double écoute avec nous pour entendre comment nous écoutons, comment nous fonctionnons. Alors c'est sûr que chaque bénévole a sa propre particularité d'écoute, donc c'est intéressant de passer auprès de plusieurs personnes pour pouvoir trouver sa propre voie. La principale qualité qu'il faut avoir, C'est être ouvert. C'est être ouvert à la parole de l'autre, et sans jugement, sans conseil. Je le répète, c'est ça qui est important. Et il faut savoir également que une fois que cette formation est terminée de base, eh bien tout au long des années, nous avons une formation permanente obligatoire. C'est-à-dire que chaque mois, nous avons ce qu'on appelle un partage. C'est-à-dire que par petits groupes, nous nous réunissons autour d'un psychologue et nous discutons des cas les plus lourds qui peuvent nous affecter. Mmh. Et à ce moment-là, donc la discussion s'engage entre le psychologue et l'écoutant ou les écoutants. Donc c'est extrêmement riche. Nous avons également une obligation de participer à des journées de formation. Mmh. Dernièrement, nous avons eu une journée de formation sur les addictions. Donc c'est extrêmement intéressant, les thèmes sont variés, mais ça nous enrichit chaque fois que nous participons à de tels événements. Et une fois qu'on devient écoutant, qu'on a été formé après 6 mois, après plein de rencontres, l'engagement de l'écoutant, c'est quoi ? C'est une fois par semaine ? C'est une fois par mois ? Il y a un nombre d'heures ? Alors effectivement, nous engageons à fournir un nombre d'heures qui est déterminé par le contrat que l'on signe. Généralement, c'est 196 heures par an. Ça fait donc 4 heures d'écoute hebdomadaire. Et ce que je n'ai pas dit aussi, le troisième volet également de la formation permanente, c'est que nous avons deux fois par an, donc une fois par semestre, l'obligation de faire une double écoute, c'est-à-dire que nous sommes deux bénévoles à être ensemble autour du même téléphone, de façon à éviter qu'il y ait un petit peu un dérapage, vous voyez, qui peut s'installer au fur et à mesure des années. Donc le fait d'avoir quelqu'un qui, un père qui écoute, eh bien ça permet comme ça de éventuellement, mais c'est extrêmement rare, mais ça peut arriver de redresser un peu la barre. Voilà, c'est rassurant aussi pour l'écoutant de savoir qu'on est accompagné. Tout à fait, tout à fait. Geneviève Grison, vous êtes responsable communication pour SOS Amitié. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre lien avec cette association, comment vous l'avez connue peut-être et qu'est-ce qui vous plaît dans cet engagement ? Bien, moi, je me suis engagée il y a 5 ans maintenant. C'est une association qui m'avait interpellée quand j'étais jeune. Je me suis dit, tiens, plus tard, je m'engagerai dans SOS Amitié. Et puis, le cours de la vie a fait que je me suis engagée dans d'autres associations tout au long de la vie. Et puis, finalement, à la retraite, je suis retournée. Vous voyez, ça m'a rappelé qu'autrefois, je m'étais dit, plus tard, je m'engagerai à SOS Amitié. Et voilà, donc, depuis 4 ans, depuis 5 ans maintenant, j'y suis. Dès que je suis arrivée, j'ai fait partie du comité de direction, c'est-à-dire qu'à Nancy, nous n'avons plus de directeur ni de président. C'est collégial. C'est un groupe de 7 personnes, chacun responsable d'une commission. Et moi, je suis responsable de la commission communication. On a parlé de SOS Amitié, des écoutants, on a parlé du lien avec le téléphone, mais aujourd'hui, ça déplace au téléphone. On peut d'ailleurs donner le numéro de SOS Amitié tout de suite. C'est accessible 24h/24, 7 jours sur 7 au 09 72 39 40 50. Mais c'est SOS Amitié, c'est au-delà du téléphone aujourd'hui. Oui, tout à fait. Nous avons mis en place à la fois le chat et à la fois la messagerie parce que nous évoluons. Nous savons très bien que le téléphone, ça ne correspond pas à tous les profils, en particulier les jeunes, les très jeunes, parce que nous avons de plus en plus d'appels de jeunes, même enfants, Alors que, nous commençons à 11 ans. À 11 ans, il y a des enfants qui privilégient le chat. C'est plus facile pour eux que de décrocher le téléphone. Et puis, nous avons également la messagerie électronique. Donc, nous avons par mail. Et puis, nous sommes présents également sur les réseaux sociaux, il faut savoir, sur Facebook et sur Instagram. Et puis, nous faisons également, à Nancy, chaque année, deux fois par an d'ailleurs, une campagne de sensibilisation au printemps, et à la fin de l'année. Alors au printemps, c'est pour une campagne donc à la fois sur les panneaux de la ville de Nancy et à la fois dans les transports en commun de Nancy. C'est pour recruter de nouveaux bénévoles, une campagne de recrutement. Par contre, à la fin de l'année, au moment de Noël, nous faisons également une campagne d'affichage sur ces mêmes supports, simplement en direction des appelants, des personnes qui se sentent seules. Oui. Les fêtes d'année sont très difficiles à passer pour les personnes qui souffrent justement de solitude. Donc, savoir qu'il y a quelqu'un au bout du fil qui peut les écouter à ce moment-là, eh bien, c'est extrêmement important. Donc, nous disons à travers ce message de communication, eh bien, nous sommes là, nous pouvons vous écouter. L'année 2025 et 2026 a pris comme grande cause nationale la santé mentale. Pourquoi les gens vous appellent aujourd'hui ? Alors, on sait qu'il y a eu beaucoup de solitude avec les périodes du Covid, l'isolement successif, ça avait explosé à cette période-là. Aujourd'hui, les raisons pour que les appelants vous contactent ? Oui, effectivement, vous avez raison de souligner que depuis le Covid, le nombre d'appels a explosé. Parce que ça a révélé plein de problèmes qui ne sont pas résolus actuellement. Et on peut noter que la solitude est quand même un des grands motifs d'appel des personnes. Nous avons 15% des appelants qui sont des personnes âgées, qui pour certaines sont complètement isolées chez elles. C'est-à-dire qu'elles ne voient personne ou pas grand monde dans la journée. Donc c'est des situations qui sont très difficiles. Et SOS, ce sont les seules personnes, les voix humaines qu'elles entendent dans la journée. Donc c'est extrêmement difficile. Par contre, ce qu'on peut noter, ce qui est quand même très, très inquiétant, c'est le malaise, le mal-être surtout des jeunes de 15 à 34 ans, même plus tôt, on l'a dit, parce qu'il y a quelques années, les jeunes qui appelaient, c'était à partir de 15-16 ans. Maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des jeunes à partir de 11 ans qui appellent, ou bien qui communiquent par le chat. Donc, ils souffrent vraiment de mal-être. Alors, les mal-être, eh bien, ils sont dus à plusieurs choses. Évidemment, pour des enfants ou pour des jeunes, ça peut être le harcèlement, ça peut être des traumatismes qu'ils ont vécu dans leur enfance et qu'ils ont du mal à surmonter, qui n'ont pas été, en tout cas, pris en charge. Et puis, des difficultés relationnelles, surtout en particulier au niveau des étudiants. Les étudiants sont vraiment touchés par ce mal-être parce que beaucoup ne vont plus en amphi. Contrairement à autrefois, moi quand j'étais à la fac, tous les étudiants allaient en amphi, il y avait des relations sociales entre nous, amicales aussi. Alors que maintenant, dans certaines facultés, les étudiants ne se rendent plus en amphi, travaillent seuls chez eux, dans leur chambre, dans leur appartement, dans leur colocation, et ils sont face à un ordinateur toute la journée. Si bien que les liens sont complètement rompus avec les autres étudiants. Et du coup, ça a des conséquences très importantes. On parlait dernièrement, la semaine dernière, ressortait l'affaire de ce jeune qui a été fauché sur l'autoroute alors qu'il était en deuxième année de médecine parce qu'il était complètement alcoolisé. Donc ça donne lieu justement, cette solitude, à des conduites extrêmes, telles que ces soirées qui sont lourdement, fortement alcoolisées, avec toutes les conséquences dramatiques que cela peut entraîner. Donc ces jeunes qui se trouvent seuls, eh bien, ils doivent gérer à la fois leur solitude, mais à la fois leurs problèmes financiers, parce que c'est pas toujours facile d'aller à la fac. Il faut en même temps assurer le quotidien, faire face aux dépenses du paiement de la chambre, de la nourriture, etc. Donc, ils sont dans des difficultés financières très difficiles à assumer. Donc, c'est une charge supplémentaire. Et puis, également, ben, tout l'environnement autour de ces jeunes-là, hein, quand ils écoutent un petit peu ce que l'on dit dans les médias, eh ben, c'est quoi leur avenir ? Et se poser des questions. On parle de changement climatique avec un avenir vraiment dramatique. On parle également des problèmes géopolitiques qui peuvent aboutir à une guerre, des difficultés d'insertion de la jeunesse, l'IA qui va beaucoup bouleverser les métiers de demain, etc. Tous ces problèmes-là, ça crée de l'angoisse, hein, ça crée vraiment des interrogations. Et puis, qui peut les aider à voir clair ? Qui peut les aider à les accompagner ? Eh bien, il n'y a pas grand monde. Parce que justement, s'ils avaient justement ces liens sociaux avec et amicaux avec les autres pères, les autres étudiants, eh bien, il pourrait y avoir un échange, ils se sentiraient moins seuls. Alors que là, bah, ils sont seuls face à leurs problèmes. Alors certes, il y a quand même des aides qui sont mises au niveau des universités, telles que les psychologues, ils ont un accès gratuit à des consultations de psychologues, mais je pense que la demande est également forte, donc ça doit être peut-être difficile, mais il y a des choses qui se font quand même. Hein. Par exemple, il y a dans certaines universités, ça a débuté à Paris, mais ça commence à s'aimer un peu en province, il y a des étudiants pairs, hein, P-A-I-R-S, qui sont justement formés à la santé mentale et qui peuvent justement aider les étudiants en difficulté. Donc ça, c'est quand même bien parce que parfois, quand on a affaire à quelqu'un de son âge, on a la perception qu'on est mieux compris, on est mieux écouté. Donc ça, c'est quand même un plus. Donc des choses se font, mais ça aurait besoin d'être multiplié à plus grande échelle. Il manque toujours de moyens, bien sûr. Tout à fait. Mais SOS Amitié est là pour rompre cet isolement. Tout à fait. Donc on reçoit effectivement un nombre d'appels assez conséquent d'étudiants et souvent ben, c'est des cas vraiment limites, quoi. Ils sont avec des idées suicidaires parce qu'il faut savoir que le nombre d'appels pour des tentatives de suicide augmente beaucoup, hein, depuis la fin plutôt depuis le Covid. Par exemple, les pensées suicidaires ont été multipliées par deux entre 2014 et 2021 chez les jeunes entre 18 et 24 ans. Et les tentatives de suicide ont augmenté de 60% en un an également, donc chez les jeunes. Donc ça montre à quel point il y a vraiment une grosse souffrance mentale et psychique. Sur cette question du suicide, il existe un numéro national aussi, un 3114. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc il ne faut pas hésiter à encourager les personnes qui appellent, parce que là, ils auront vraiment au bout du fil des psychologues, des psychiatres, des infirmiers qui sont formés vraiment à cette problématique du suicide. 09 72 39 40 50, ça c'est le numéro de téléphone à garder près de soi. Et si on veut vous rejoindre en tant que bénévole, on n'appelle pas ce numéro, on fait comment ? Oui, bien justement, on va sur le site internet de SOS Amitié. Et puis à ce moment-là, vous avez un onglet qui vous permet de remplir une fiche. Et cette fiche, à ce moment-là, vous la renvoyez à l'association. Et c'est un premier tri, quoi, hein, par rapport au profil de l'écoutant. Voilà, et on rappelle que le 5 février, donc, c'est la 30e journée nationale pour la prévention du suicide. Merci beaucoup Geneviève Grison pour cette présentation de SOS Amitié. Eh bien, écoutez, c'est moi qui vous remercie également de nous avoir permis de parler dans notre association. C'était Portrait d'assaut sur Fadjet. Pour y participer, écrivez-nous à contact@fadjet.net.